échec et mat. Le dernier coup est joué, je suis le pion qui bloque ton roi. Partie finie en désarroi. Bref, trêve de blabla, d'image à deux balles. Échec et Mathieu, c'est lié, c'est sûr. Comme un et un font deux. Ça fait 10 piges que je rappe, ça ne m'a rien apporté. Du temps perdu et des temps de projets avortés. Le temps avance et moi je reste. Merde, je me répète. Les gens me saoulent et je les déteste. Je n'ai pas la panoplie du rappeur, mais la grande gueule du blagueur. Des rimes qui viennent du cœur ou de mon cul, c'est le bon cœur. Toujours vulgaire au mic, le même lust, Adidas ou Nike. Quand les gens se foutent à poil pour obtenir des likes, tous des fils de pub. Et de faire le ré, c'est comme confondre jolie fille et pute. Pourquoi je rappe ou plutôt, pourquoi je rappais chez App ou plutôt, faudrait me le rappeler. Je crois que fut un temps j'ai cru pouvoir changer le monde à base de textes crus. Puis j'ai grandi un peu et je ne veux plus. Merci à ce présent depuis le pardé. Pardi à tous ceux que j'ai barbé en soirée. À qui j'ai trop parlé, à tous les potes, les amis, la famille et stop. À toi qui écoute sans aucun doute. Un dernier album, un dernier saut mort. Un dernier échec, mais aucun remords. L.E.R.A.C. poto. Ouais. 1987 2015. Toujours al. Ya. Ya. Échec et mat. Le rack.